está bien, no colando mi churri. Combe combe tellement pour boire l'icolo que soy a ligorodo et coquille pour soyete. Hein? Est-ce que vous avez un peu de château, le roi soleil, Francky Sekia. International et toute la ville en parle. Est-ce que vous avez un peu de temps? Man Ansi, le seul. Et bien ma conda. Soy Alain Macide, Gina Mateta, Gilele Emporio. Où toi l'élo et quand elle m'a souci au rond. La musique qui a viva na koyemba o. Na moni yo na esele sele au rond. La linga ki na tu na moteme bo. Soni bato basala ki ebele au rond. Na boya ki baye bamba na gagne o. Petit bakoli me reve bango kalakaka ukana ukana masupa, après yo bekola la wana.